J'évolue sur un filet droit, je veux pas qu'on me dise, il paraît trop spé le type, pas très rétrospectif. Depuis tout petit on m'a dit de filet droit, j'avance dans l'ombre. Avec un pic, un air de guitare crisp, pas cran stand long, a fait de ce mec à pile, qu'un air de guitare triste, seul. Vivant l'instant terrain d'exaltant, éreinté saltant, grattant sur son terrain d'exaltant. Vu que chaque prise de conscience qui loge dans le fond fera des séquelles, avant que tes proches frappés s'éteignent et sortent, ce qui depuis mioche t'enfonce, tout le temps qui file, veut te laisser sur le carreau. Veux que les blessures t'arrosent, donc soigne celle que tout est, tout amplifie, ça s'envenime. Quand t'as ta type qui gueule, n'a pas le mental. Éteins la flamme de toutes ces choses atypiques, n'a pas le mental. Douleur sort nette, laisseront des cicatrices à mon équipe. Ces petits gars tristes parlent mon éclipse. Les rêves de leur douleur s'en mêlent. Celui qui pense laisser une trace après son décès secours. Moi-même et mes heures d'arpentage dans ces rues crasses, agressons des escours. On grandit tout seul avant d'en finir. On grandit tout seul avant de s'offrir. Et le vent a tourné. On ne fait que stagner en bas. On est que des vandales qui viennent pour poser stagner en bas. On grandit tout seul avant d'en finir. On grandit tout seul avant de s'offrir. Et le vent a tourné. On ne fait que stagner en bas. On est que des vandales qui viennent pour poser stagner en bas. Dissimule derrière tes mots les cicatrices. Parle de ce monde que je dissimule, une trotte guerrière et mon lexicatrice. Je veux que quand je chasse mes démons, les poils s'irissent. Je reste plongé dans ma camberge, tout que pour m'aider, mon étoile s'irrisque. Deux, trois peines éparpillées, nous frappe à s'en défaire, tes frappes à s'en défaire. Avec le temps, je finirai par plier. La vie nous laisse tout juste quoi se lamenter seul, épuisé. Voilà pourquoi cracher le poids de cela manquait de somme. Se frayer sa route, c'est se faufiler. Dans des foules en délire, je suis freiné, mais ça roule. Si se confier en se défoulant, des livres crash et tout ce qu'on a. Reste une open, mec, on a que ça. Y'a pas qu'en rage et sous collal. Que se résume nos peines, c'est qu'on l'a le savent. Ce qui les emmène nous fragilise et nous rend vulnérables. J'ai des galères en vue, mais je rappe stylé sans que mes nous fragilise. Plus j'aspire à bâtir l'avenir, plus j'avance sereinement. Plus l'esprit dramatique sera vif, plus j'insinuerai que n'avance sereinement. On grandit tout seul avant d'en finir. On grandit tout seul avant de s'offrir. Et le vent a tourné. On ne fait que stagner en bas. On est que des vandales qui viennent pour poser stagner en bas. On grandit tout seul avant d'en finir. On grandit tout seul avant de s'offrir. Et le vent a tourné. On ne fait que stagner en bas. On est que des vandales qui viennent pour poser stagner en bas. On grandit tout seul avant d'en finir. On grandit tout seul avant de s'offrir. Et le vent a tourné. On ne fait que stagner en bas. On est que des vandales qui viennent pour poser stagner en bas. On grandit tout seul avant d'en finir. On grandit tout seul avant de s'offrir. Et le vent a tourné. On ne fait que stagner en bas. On est que des vandales qui viennent pour poser stagner en bas.